Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un humoriste de Paris que je viens de découvrir, Tristan Zerbib. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Tristan, et déjà bravo pour ton spectacle. Eh ben merci. J'ai vu, donc c'est, tu m'avais dit que c'était moitié, enfin c'était un peu stand-up, un peu théâtre. Ouais. Et j'ai vu vraiment, ouais, en effet, en regardant le spectacle, j'ai vu que c'était vraiment ça. Et on sent vraiment la fibre, moi j'ai l'impression qu'on sent beaucoup plus la fibre théâtre chez toi. Ouais. C'est très très comédien, très très joué, et on voit que t'es à l'aise dans ton élément. Donc bah, c'est cool. Exactement, je voulais faire un mix, un mix des deux. D'accord. Et voilà, donc c'était cool, bah, merci d'avoir assisté. Avec plaisir, avec plaisir. Bah, c'est toujours intéressant de découvrir des collègues et tout. Et donc voilà, du donc coup, tu avais, ma galère, ouais, tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous ouais, raconter. Bah, ouais, j'en ai surtout une qui était plutôt marquante sur une scène parisienne à l'Apollo Théâtre. On commençait un spectacle que j'avais coécrit et juste on entend un râle avant l'ouverture du rideau. Et pendant les 10 premières minutes du spectacle, ça parle dans le fond. Du coup, c'est un peu énervant. Puis à un moment, il y a un mec qui intervient, qui fait « Excusez-moi, il y a quelqu'un qui ne sent pas bien ». Du coup, j'étais sur scène, je descends de scène, je vais voir. Ouais. Effectivement, il y avait un monsieur qui bougeait plus dans son fauteuil. Du coup, je l'ai allongé par terre. Oh là là. À ce moment-là, une nana du théâtre arrive avec les pompiers au téléphone. Massage cardiaque, ding ding. Et en fait, il était décédé, quoi. Oh là là là là. Ouais. Bon, ah c'était, ouais. Il avait 83 ans. Il est mort de vieillesse, quoi. Il est mort de vieillesse, ah, ouais. Voilà. Bon, il y avait sa sœur, enfin son frère et sa belle-sœur. Oh là là. Du coup, là, il est mort entouré, quoi. D'accord. Ouais. Voilà, du donc coup, ça, c'était du coup j'ose à peine poser la question, est-ce que t'as joué le spectacle quand même ou... Non, ça a été annulé, du coup ils ont sorti les gens. Putain, ils ont sorti. J'espère. J'avais tellement peur que tu me dises, ouais. Bah non, écoute, on l'a débarrassé et puis on a joué. Et c'était une super soirée. Bon, il y avait une ambiance un peu. Voilà, hein, non, le spectacle... truc après qui était un peu gênant, c'était. Ils ont laissé le corps, les pompiers ont laissé le corps dans un sac plastique comme dans les films, le sac non. noir juste devant l'entrée. De ils l'ont pas emmené. Ils l'ont pas emmené, non. Et, Les et du coup pour démonter le décor, on devait enjamber le mec. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. C'était un peu glauque. Oh mon dieu, ça c'est marquant, je comprends. Et donc, les pompiers, pourquoi ils l'ont pas emmené direct? Parce que je crois qu'il y a un truc de quand quelqu'un décède, c'est pas aux pompiers de s'en occuper. Ah, c'est les flics ou je sais pas quoi. Ouais, ou les... Ah bah oui. C'est au privé, pensais... c'est à la famille de s'en occuper. Ouais, non, parce qu'après, il y avait pas de doute, c'est pas comme s'il devait y avoir une enquête ou un truc comme ça. Non. Parce que moi, par exemple, tu vois, je suis chauffeur de bus. Si on a quelqu'un qui, par exemple, passe sous une rame de tram ou sous un bus, t'as pas le droit de bouger le véhicule. Ah bah ouais, là, c'est les flics qui doivent venir, qui doivent prendre les mesures, qui doivent tout, tu vois, voilà. Et donc, ouais, ah ouais, j'imagine que c'était glauque. Hein. Oh voilà. Et la semaine d'après, vous avez appréhendé, j'imagine. On jouait du mardi au dimanche, du coup, c'était deux jours après. Ouais. Non, ça allait, franchement. Ça va ? Ouais, le plus dur était passé. Oh là là là là, dis donc. Ben, franchement, oui, c'est marquant. Hein. Oh là là. Mais il y en a des morts dans les spectacles. Hein. Pour ceux qui écoutent le podcast, dans l'épisode de Smaïn, déjà, il y avait un mort. Et puis dans l'épisode de Jean-Loup de Tapia, que je vous recommande particulièrement, il y en avait une bonne demi-dizaine. Ah ouais, ah ouais, une bonne demi-douzaine même, je dirais. Une bonne demi-douzaine de morts, ouais. Ah ouais, c'est la vérité. Hein. C'est vraiment, je te conseille l'épisode, tu l'écouteras, tu me diras ce que t'en penses. En tout cas, bah, merci beaucoup. Merci pour cette anecdote. Et donc, on te retrouve sur les réseaux sociaux, donc Tristan Zerbib. Ouais, c'est ça, Facebook, Instagram. Okay. J'ai Instagram depuis une semaine. Du coup, donc Tristan et Zerbib. C'est ça. Tout simplement. Tout simplement. Ok. Donc, tu m'as dit Facebook, Instagram. Et c'est tout. Et c'est tout, d'accord. Donc, pas YouTube, pas Twitter. Non, pas Twitter, YouTube, non, pas grand chose. Bon, bah, très bien, mais c'est déjà pas mal. Facebook, Instagram, c'est les plus importants. Pour ma part, vous me retrouver sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.